Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, prix Nobel de littérature décerné à Albert Camus en 1957. Pour la plupart d'entre nous, la découverte de l'œuvre de Camus se fait à l'adolescence, sur les bancs du lycée qui porte souvent son nom. L'étranger, son premier roman est le best-seller absolu du format poche en France. Rendez-vous compte, près de 7 millions d'exemplaires vendus depuis sa publication en 1942. Une popularité qui n'est pourtant pas synonyme d'unanimité. Camus, philosophe pour les classes terminales, diront les critiques les plus acides. L'écrivain aura presque autant de vrais ennemis pendant sa vie que de faux amis après sa mort. En 1957, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature à seulement 44 ans, l'éternel révolté se retrouve au cœur d'une énième polémique, aussi littéraire que politique. France et d'Algérie, on lui demande de prendre position sur ce qu'on appelle alors les événements, en fait une guerre qui ensanglante sa terre natale depuis plus de 3 ans. Défenseur de l'indépendance ou partisan de l'Algérie française, il faut choisir son camp. Mais Camus ne peut s'y résoudre. Il est un homme déchiré, tiraillé entre son anticolonialisme et son refus d'être un étranger sur une terre qui est aussi la sienne. En marge des cérémonies officielles du prix Nobel, face à un étudiant algérien, il prononcera cette phrase qui provoquera un immense tollé « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Dans les milieux intellectuels parisiens, on l'accuse alors d'être un traître aux idées qu'il a défendues autrefois. Il devient pour certains le penseur des colons, la caution intellectuelle de l'Algérie française. Mais la position de Camus sur ce conflit est infiniment plus complexe, plus douloureuse aussi. Tel est son drame intime que sa condition d'écrivain célèbre expose sur la place publique. Notre invité aujourd'hui, l'historien Benjamin Stora, professeur des universités, président du conseil d'orientation du musée de l'immigration, il est spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain. Sur les nombreux malentendus autour du rapport de Camus à l'Algérie, il a publié avec Jean-Baptiste Perretier un ouvrage intitulé « Camus brûlant » publié chez Stock en 2013. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 16 octobre 1957, Paris. Au premier étage du restaurant Marius, en plein cœur du quartier latin, Albert Camus déjeune avec Patricia Blake, sa maîtresse, une américaine. Lorsqu'un jeune homme s'approche, envoyé par ses maisons d'édition Gallimard, le messager vient lui annoncer une grande nouvelle. À seulement 44 ans, il est le lauréat du prix Nobel de littérature. Souffle coupé, visage pâle et tremblement, l'écrivain est sous le choc. Et à Patricia, il répète inlassablement, Malraux aurait dû l'avoir. Une humilité sincère, qui est aussi une façon d'anticiper les critiques. En effet, nombreux sont ceux qui s'attendaient à voir couronner une œuvre plus achevée que la sienne, une carrière déjà accomplie. Et le nom d'André Malraux, de 12 ans, son aîné, circulait avec insistance dans les couloirs de l'Académie suédoise. L'auteur de La condition humaine a les faveurs du comité, une certaine tendresse même. Pourtant, année après année, on lui refuse le Saint Graal pour la simple raison que son dernier roman, L'Espoir, est sorti il y a près de 20 ans. En 1957, Albert Camus, lui, est un écrivain actif et respecté au centre de toutes les attentions littéraires. Après L'étranger en 1942 et La peste en 1947, il vient de publier son troisième roman, La chute, un essai philosophique, plus précisément, où la confession sombre et ambiguë de Jean-Baptiste Clamence, un juge pénitent qui interroge la culpabilité de l'être humain. Une œuvre majeure qui finit de convaincre les Suédois, fidèles aux volontés d'Alfred Nobel, qui souhaitaient que soit récompensé un auteur ayant fait la preuve, je le cite, d'un puissant idéal. Jean-Paul Sartre, son meilleur ennemi, lui aussi en lice pour le prix, y va de sa formule. Le Nobel, il l'a bien cherché. Le lendemain, la nouvelle est officielle. Albert Camus, plus jeune prix Nobel de littérature depuis Rudyard Kipling, s'affiche sur toutes les unes de France et d'Europe. Lui aurait préféré ne pas y être, mais oui. Dans ses carnets, il note... 17 octobre, Nobel. Étrange sentiment d'accablement et de mélancolie. Car si le romancier est au sommet de sa carrière, l'homme est au bord du gouffre. Son épouse, Francine, souffre d'une terrible dépression et tente par deux fois de se donner la mort. Mais son désespoir, c'est aussi l'Algérie, la grande passion de Camus, la terre de son enfance, meurtrie depuis 3 ans maintenant par une guerre fratricide. À chaque fois qu'une bombe explose dans les rues d'Alger, il pense à sa mère, restée au pays. Le jour de sa consécration, d'ailleurs, il lui envoie un télégramme. « Maman, jamais tu ne m'as autant manqué. » Camus songe un temps à refuser son Nobel, avant, finalement, de l'accepter et de se plier bon gré mal gré au cortège des cérémonies. Le 17 octobre au soir, dans les jardins de la maison d'édition Gallimard, une première réception est donnée en son honneur. Embrassade, flash, bousculade, tout Paris est là, pressé de recueillir les premières réactions de l'écrivain. Camus, en dépit de sa timidité naturelle, répond poliment, sourire au coin des lèvres. Et bientôt, on annonce l'arrivée de l'ambassadeur de Suède en France, Ragnhard Kumlin. Cher monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerné le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement, le message de l'Académie. Votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, particulièrement au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Camus n'en dira guère plus. Dans les journaux, ou à la télé, ou à la radio, il refuse désormais toutes les demandes d'interviews innombrables. Au poids des honneurs, il préfère la joyeuse agitation d'un stade de foot, oui, son autre passion. 3 jours après l'annonce de son prix, le 20 octobre 1957, il se réfugie donc au Parc des Princes. Racing Club de Paris contre Monaco, tel est le match. Alors que le gardien parisien vient d'encaisser un but, un reporter de l'ORTF le surprend dans les tribunes. Coincé, Camus se prête au jeu tout en gardant un œil sur le terrain. Laissons Alberto à ses brillantes interventions et posons à Albert Camus la question qui se pose dans toutes les pensées. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury ? Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a 2 ou 3 écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. L'histoire n'a pas retenu qui de Paris ou de Monaco a gagné ce jour-là, de toute façon on s'en fiche un peu, non ? Camus, lui, en revanche, se prépare à encaisser les coups. À son ancien professeur de philosophie, ami Jean Grenier, il prophétise « Je vais avoir plus d'ennemis que jamais ». Et il ne croit pas si bien dire. Si dans les autres pays européens, on ne tarit pas d'éloges pour ce jeune écrivain français, idéaliste et révolté, en France, une partie de la presse se déchaîne. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Et Camus est depuis toujours une personnalité clivante. C'est l'influent critique Kléber Edens, nationaliste proche de Charles Maurras, qui ouvre le feu. Dans le journal France Presse, il fait un parallèle avec Sully Prudhomme, premier prix Nobel de littérature en 1901. Il met Camus plus bas que l'un des plus mauvais poètes français de tous les temps, je cite, et dénonce le néant de sa pensée qui met l'illusion de la profondeur à la portée des intelligences les moins privilégiées, je cite toujours. À la une du journal de droite Art, Camus est caricaturé en tenue de cow-boy, pistolet à la main. En sous-titre, les académiciens ont prouvé par leur décision qu'ils considéraient Camus comme fini. Puis c'est l'extrême droite qui leur emboîte le pas. Dans Dimanche Matin, l'écrivain et ancien collaborationniste Lucien Rebatté fustige l'artériosclérose du style de Camus. Rien d'étonnant donc qu'il reçoive un prix qui couronne le plus souvent des septuagénaires. Si à gauche les critiques sont moins nombreux, certains y vont aussi de leur plume assassine. Dans les pages de Combat, journal né de la Résistance dans lequel pourtant Camus a longtemps collaboré, il en était même l'âme. On peut lire que les petits pays admirent les parfaits petits penseurs polis. Bon, jalousie ou mesquinerie parisienne diront certains, mais ça ne s'arrête pas là. Après son style littéraire et ses positions moralistes, ce sont ses origines modestes qui sont pointées du doigt. Élevé dans le quartier pauvre de Bellecour, à Alger, orphelin de père, fils d'une mère illettrée, femme de ménage, Albert Camus est entré comme par effraction dans le monde intellectuel parisien, en déplaise à certains. Bernard Franck, dans La Nef, parle d'un paysan endimanché, un homme du peuple qui, les gants à la main, le chapeau encore sur la tête, entre pour la première fois dans un salon. Alors, les autres invités se détournent, ils savent à qui ils ont affaire. Le principal intéressé garde le silence. Une fois de plus, il s'en remet à ses carnets. 19 octobre 1957. Effrayé par ce qui m'arrive et que je n'ai pas demandé, et pour tout arranger, attaque si basse que j'en ai le cœur serré. Mais Camus a aussi ses fidèles, des défenseurs aussi prestigieux que Roger Martin Dugard ou François Mauriac, tous deux anciens lauréats du Nobel de littérature. L'écrivain américain William Faulkner lui apporte aussi son soutien. « Je salue l'âme qui constamment se cherche et se demande », dit-il. À la télé, où Camus refuse toujours de mettre les pieds, sa plus fervente avocate est la célèbre critique Nicole Védresse. Dans l'émission Lecture pour tous, elle tente d'éteindre le feu des polémiques. Qu'est-ce que l'on dit de Camus depuis qu'il a le prix Nobel, c'est-à-dire depuis très peu de temps? Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est trop jeune. Nous, on est très contents. Mais, ah oui, on dit qu'il est trop jeune, naturellement. On dit toujours, avec cette gérontophilie des Français, n'est-ce pas, naturellement, puisqu'il n'a pas 70 ans, il est évidemment trop jeune pour tout. Qu'est-ce qu'on dit encore que Camus est qu'est-ce qu'on dit, quoi, dans Paris? On lui reproche d'avoir écrit L'étranger et de s'être arrêté là. Vous voulez me poser les questions que les vous ne lui auriez pas posées à lui? Ça, bien sûr, bien ah bien. Oui, naturellement, il y a des gens qui disent L'étranger, c'est son meilleur livre. Eh bien, j'ai pas à donner mon opinion personnelle. Moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Je crois que chaque fois, j'ai mieux aimé et que maintenant, ce que je préfère, c'est L'exil et le royaume. Et enfin, je pense que d'abord, je suis pas seule de cet avis, mais j'ai relu ce que Gaëtan Picon avait écrit il y a quelques mois dans le Mercure de France à propos de L'exil et le royaume. Et il a aimé ça plus que La chute, plus que tout. Et il me semble qu'il a senti dans L'exil et le royaume une sorte de il ne faut pas dire de couronnement de l'œuvre de Camus, parce qu'alors on nous dira aussi, bon, alors il a tout dit. Non, il n'a pas tout dit, il dira encore des tas de choses. Oui, et pourquoi croyez-vous qu'on dit tout ce qu'on dit, justement, à propos de ce prix Nobel attribué à Camus? Pas parce que c'est quand même une chose importante, et qu'en effet, enfin, c'est la 9e fois que la France a le prix Nobel, ça fait tout de même beaucoup de fois, mais ça fait beaucoup de bruit, puis les gens sont jaloux, quoi, peut-être oui. Aussi. À l'abri dans son appartement parisien, Camus passe par des hauts et des bas, trie ennemis et amis, se raccroche à ce qu'il aime. Le 19 octobre 1957, il écrit une lettre émouvante à son ancien maître d'école, Louis Germain, figure décisive de son enfance. À la communale de la rue Homéra, à Alger, cet enseignant repère le petit Albert, brillant élève, et lui donne gratuitement des cours particuliers, puis l'aide à préparer les concours des bourses pour les collèges et pour les lycées. L'instituteur fait de l'école républicaine un lieu d'émancipation pour Camus. Il lui en sera reconnaissant toute sa vie. Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous, lui écrit-il. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Le 9 décembre 1957, deux mois après l'annonce de l'attribution du prix Nobel, Camus embarque dans le Paris Nord Express. Direction, Stockholm, accompagné par sa femme Francine, ses éditeurs et le traducteur Carl Gustav Björkström. L'heure est à cérémonie officielle, rituel immuable sous les ors du roi de Suède. Dès le lendemain, Camus est reçu à la Maison des Concerts, où malgré le froid, une foule se presse pour l'acclamer. Costume à jaquette, fine colonne et dahlia jaune, tout y est. À la fin du grand banquet, il se rend à l'hôtel de ville pour recevoir des mains du roi Gustave VI son diplôme et son prix, un chèque de 18 millions d'anciens francs, soit environ, aujourd'hui, 27 000 euros. C'est à cette occasion que Camus doit, selon la tradition, prononcer un discours. Jusqu'au dernier moment, il cache soigneusement son manuscrit de peur qu'il ne soit divulgué et critiqué. Il est parfaitement conscient de l'hostilité de certains, car en Suède aussi, l'écrivain a des détracteurs. Comme chaque année, une partie de l'opinion suédoise est par principe contre l'Académie, jugée vieillotte avec ses choix incongrus. Et ici, en France, la guerre d'Algérie pèse évidemment de tout son poids. En Suède aussi, on reproche à Camus une attitude trop timorée face à ce drame qui ensanglante son pays natal. Il faut dire que depuis presque 2 ans, il a cessé de s'exprimer publiquement sur la question. Un vœu de silence qui sonne hélas comme une faute pour les défenseurs de l'indépendance algérienne. L'écrivain sait que ce voyage où il enchaîne conférences et interviews l'obligera à sortir de sa réserve. Prononcé le 10 septembre 1957, ce discours officiel, resté dans la postérité sous le nom du discours de Suède, est une première mise au point. Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre Académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? Droit sur son estrade, solennel, Albert Camus a défausé Humphrey Bogart. Une lueur d'inquiétude enfantine dans le regard, dira l'éditrice Simone Gallimard. Malgré l'impressionnant cérémonial, il est d'une aisance remarquable. Pendant près d'un quart d'heure, d'une voix claire, il dessine ce qu'il estime être le métier d'écrivain, ses devoirs aussi. Partie prenante de la société dans laquelle il vit, il doit se mettre au service de la vérité et défendre ceux qui subissent l'histoire, les opprimés de toutes les tyrannies. Dans un passage resté célèbre, quasi prophétique, il s'adresse directement à sa génération. À l'image de Sisyphe, il lui faudra inlassablement poursuivre l'effort contre tous les fanatismes. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Deux jours plus tard, le 12 décembre 1957, Albert Camus est invité à rencontrer les étudiants de l'université de Stockholm. Cette fois, il n'a préparé aucun texte et préfère s'en remettre au jeu des questions-réponses. Alors le débat s'engage. Aux discussions littéraires succède la politique. Objection de conscience, peine de mort ou liberté de la presse sont autant de sujets abordés. Puis, face aux étudiants, Camus lance une invitation. « Je n'ai pas encore donné mon opinion sur l'Algérie, mais je le ferai, oui, si vous me le demandez. » Voilà donc le moment que tous attendaient. Et le climat dans la salle change brusquement. Il faut dire que sur place, en Algérie, la situation est devenue intenable. Depuis le mois de janvier 1957, la bataille d'Alger a marqué une terrible étape dans l'escalade du terrorisme et de la répression. Dans les rues de la capitale, les indépendantistes du FLN, Front de Libération Nationale, multiplient les attentats contre les civils européens. L'armée française, elle, répond par le sang et la torture. Une guerre sans merci qui contraint Albert Camus à la parole. Le silence même prend un sens redoutable, dit-il. Un étudiant algérien se lève et l'apostrophe avec virulence. « Vous avez signé beaucoup de pétitions pour les pays de l'Est, mais jamais depuis 3 ans vous n'avez rien fait pour l'Algérie. » À peine Camus a-t-il ouvert la bouche que le jeune homme remonte à l'assaut, gonflé à bloc. Il finit sa longue intervention par cette exhortation « L'Algérie sera libre ». Dans le journal Le Monde, daté du 14 décembre 1957, Dominique Biermann, seul journaliste français présent sur place, relate l'incident et il retranscrit mot pour mot la réponse de Camus. Je me suis tu depuis 1 an et 8 mois, ce qui ne signifie pas que j'ai cessé d'agir. J'ai été et suis toujours partisan d'une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l'égalité. J'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique, jusqu'à ce que la haine, de part et d'autre, soit devenue telle qu'il n'appartenait plus à un intellectuel d'intervenir, ces déclarations risquant d'aggraver la terreur. Il m'a semblé que mieux vaut attendre jusqu'au moment propice d'unir au lieu de diviser. Je puis vous assurer cependant que vous avez des camarades en vie aujourd'hui grâce à des actions que vous ne connaissez pas. C'est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Le journaliste conclut son article, cette déclaration fut ponctuée d'ovations. Mais à Stockholm, il ne perçoit pas encore la gravité de ses propos. L'écrivain, lui, s'est retiré dans sa chambre d'hôtel, entouré par ses amis. Le visage douloureux, il confie, « Ce dont j'ai le plus souffert est de rencontrer ainsi un visage de haine chez un frère. » De retour à Paris, Albert Camus découvre que sa réponse au jeune étudiant algérien est reprise dans tous les journaux français. Bon, normal, mais le propos est tronqué. Par malveillance ou par ignorance, seule sa dernière phrase est retenue et déformée. « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. » Résumé ainsi, comment en effet comprendre le positionnement de Camus, français d'Algérie, défenseur des opprimés? Sans vous aimer, sans l'avoir jamais pu, je m'en vais oublier. Cet été, vouer l'été a jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit. Toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Sans vous aimer, je suis seule et déçue. M'aimiez et l'été me brûlait, et dans l'allée tout l'hiver revenu me fait trop ces brûlures regretter. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdi, et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Ce dont je me rappelle de plus intime et de plus profond, et sur lequel je n'ai pas fini de méditer, et pourtant ça fait longtemps, c'est Camus, c'est son discours au moment du prix Nobel. Nous étions en pleine guerre d'Algérie, et chacun d'entre nous, vous êtes sans doute trop jeune, mais chacun d'entre nous luttait avec passion contre, pour ou contre, enfin moi contre, les guerres coloniales. Et Camus a dit à la tribune du Nobel, « Si j'ai à choisir entre ma mère et la justice, je choisirai toujours ma mère. » Qui est une phrase profonde avec laquelle je pense que ma mère me comprendra, on sait l'amour sacré que je lui porte, avec laquelle je suis en complet désaccord. Si j'ai à choisir entre ma mère et la justice, je choisirai toujours, si j'en ai la force, la justice. Et cette phrase de Camus m'a donc profondément choqué et je n'ai pas cessé d'y réfléchir parce que je ne la comprends pas. Le 24 novembre 1978, à l'occasion de la sortie d'une biographie sur Albert Camus par l'Américain Herbert Lotman, Bernard Pivot consacre une émission d'apostrophe à l'auteur de L'étranger. Le patron de presse, Jean-Jacques Servan-Schreiber, que vous venez d'entendre, fondateur de l'hebdomadaire L'Express pour lequel Camus a travaillé, revient sur cette polémique vieille de 20 ans. Le 12 décembre 1957, en marge des cérémonies officielles du prix Nobel, Camus lâche donc sa petite phrase qui restera gravée dans les mémoires et qu'il est important de replacer dans le contexte de l'époque, au regard aussi des engagements idéologiques de Camus. Toute son œuvre littéraire, romans, essais, articles ou pièces de théâtre est intimement liée à l'Algérie. Depuis les rives de la Méditerranée, sa langue se déploie pour parler au monde. Et c'est aussi sur cette terre qu'il se forge une conscience politique. 20 ans avant le début du conflit, il fut l'un des premiers Européens d'Algérie à dénoncer les injustices du système colonial. En juin 1939, à l'âge de 25 ans, il signe pour le quotidien Alger Républicain une série d'articles intitulés « Misère de la Kabylie ». Dans ce long reportage, il décrit le dénuement de toute une région, le chômage, la faim, les épidémies. Il s'en prend avec virulence aux autorités coloniales accusées d'entretenir cette misère. Déjà pourtant, son anticolonialisme n'est pas manichéen, car il n'oppose pas les chrétiens et les musulmans, les européens et les arabes, mais les faibles et les profiteurs. Six ans plus tard, le 8 mai 1945, dans le contexte immédiat de l'après-guerre, des manifestations éclatent dans la plupart des villes d'Algérie. Leur slogan, « Abat le fascisme et le colonialisme ». À Sétif, la police tire sur la foule qui riposte. L'escalade de la violence commence, les autorités françaises se lancent dans une guerre de représailles, un massacre organisé contre les populations civiles. 10 à 15 000 morts, 45 000 selon les Algériens. En métropole, presque tous les intellectuels se taisent, à l'exception de Camus. Dans les pages du quotidien Combat, il clame son indignation. Il en fera de même en novembre 1954, lorsque l'insurrection en Algérie éclatera. Dans les colonnes du journal L'Express, le désormais célèbre écrivain journaliste publie de nombreuses analyses politiques, toujours à la première personne. La violence qui ensanglante l'Algérie le touche profondément. C'est pour lui, comme il le dit, un perpétuel déchirement où chaque mort, français ou arabe, est ressenti comme un malheur personnel. Il a, dit-il, mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons. Mais si Camus critique les persécutions contre les nationalistes, il ne soutient pas pour autant le nationalisme. Il condamne le terrorisme sous toutes ses formes et milite pour une solution pacifiste. Il veut croire en la possibilité d'une Algérie fraternelle, où Français et Algériens musulmans pourraient continuer de vivre ensemble. En décembre 1957, dans une conférence en marge du prix Nobel, il explique sa vision pour une Algérie égalitaire, mais contre une Algérie indépendante. Ce que j'ajouterais simplement en ce qui concerne l'Algérie, c'est que je crois qu'il y a une communauté possible et qui vaut infiniment mieux que toute séparation, sous quelque forme qu'elle se fasse. Et cette communauté ne peut être basée, selon moi, que sur une solution de fédéralisme. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un fédéralisme territorial, à la Suisse, car ce fédéralisme est impossible puisque les populations se trouvent étroitement imbriquées, mais qu'il ne peut s'agir que d'un fédéralisme personnel. Je veux dire que chaque communauté, qu'elle soit arabe, française ou berbère, peut être représentée sur des bases d'égalité et de justice à l'intérieur d'une assemblée qui reste à définir. Voilà quelle est ma solution. Au début de l'année 1956, Albert Camus lance à Alger un grand appel à la trêve civile. Il demande avant tout que soient épargnés les civils innocents. Mais son vœu pieux reste lettre morte. Le nouveau président du Conseil, Guy Mollet, fait au contraire le choix d'une guerre totale. Alors, le 2 février 1956, Albert Camus donne un dernier texte à l'Express avant d'abandonner définitivement son métier de journaliste. Est-ce le signe d'un adieu au combat ? Assurément non. Il décide simplement de faire vœu de silence, sans pour autant se désengager, comme en témoigne son ami, le journaliste et écrivain Jean Daniel. Sur l'Algérie, il ne s'est pas tu, il a décidé de se taire, ce qui est différent. Il n'a pas été ni indifférent, ni neutre, ni tiède. D'ailleurs, les gens qui connaissent Camus, n'étaient pas le genre à pouvoir... Le sentiment d'indifférence lui était inconnu, surtout devant un problème où il avait tous les siens. Et de chaque côté, car il avait des amis arabes au moins aussi nombreux que des amis français. Mais il a choisi certains comportements. À partir d'un certain moment, il disait « Les Français doivent toutes les réparations aux musulmans, mais il faut tenir compte de l'enracinement du million de Français en Algérie. » Le 12 décembre 1957, lorsque Camus prononce sa fameuse phrase « Je condamne un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille, je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice », loin d'établir une comparaison simpliste et provocatrice, évidemment, Camus exprime là son dilemme. La guerre a fait de l'homme révolté un homme déchiré, écartelé entre son idéal de justice et son souci de protéger l'Algérie de son enfance. Sa phrase doit donc être comprise comme une condamnation du terrorisme. Pour lui, en effet, rien ne peut justifier le sacrifice d'un enfant, la mort d'un innocent. Il n'y a de justice au-dessus de la vie. La référence à sa mère n'est pas seulement celle d'un fils, c'est aussi une image. Mais le mal est fait. Pour ses adversaires, Camus choisit sa famille et par extension sa communauté, celle des Français d'Algérie, plutôt que la justice, c'est-à-dire la cause des Algériens en lutte contre la puissance coloniale. Six mois plus tard, en mai 1958, il publie un ultime recueil, Chronique algérienne, rassemblant ses principaux articles sur la question écrite entre 1939 et 1958. Sa préface constitue ses dernières prises de position publique sur le conflit algérien. Ce livre, dit-il, est l'histoire d'un échec, celui de n'avoir pas réussi à désintoxiquer les esprits. Il renouvelle alors sa double condamnation du terrorisme et de la torture, renvoyant dos à dos les crimes de l'armée française et ceux du FLN. Camus refuse la culpabilisation collective. Les gouvernements français successifs sont responsables d'avoir fermé les yeux sur la misère en Algérie, d'avoir entretenu un système de citoyenneté à deux vitesses et une justice arbitraire. Une très grande majorité des Français d'Algérie ne sont pas des riches colons, mais des salariés pauvres, des petits commerçants, et Camus, l'un des leurs, un Français, oui, ni tout à fait français, ni tout à fait algérien. Une dualité qui est à l'image de l'homme tout entier. Car Albert Camus est aussi un philosophe de la mesure, celui qui refuse la pensée binaire et tente inlassablement de conjuguer l'envers et l'endroit. Dans l'émission Apostrophe du 24 novembre 1978, l'écrivaine Marie Susini, amie de Camus, revient sur cette facette de sa personnalité. Et à un moment, il se qualifie de voluptueux puritain. C'est lui-même qui dit ça. Parce que justement, ce qu'il avait... Oui. Parce que justement, ce qui frappait, ce qui fascinait même chez lui, c'était le pouvoir qu'il avait d'assumer ses contradictions. Parce qu'il était révolté, il était contre les révolutions. Il avait de la rigueur, de l'austérité, et à la fois un je ne sais quoi de nonchalant, porté vers le plaisir. Il aimait rire et danser. Regardez par exemple ses goûts littéraires. C'est le contraire de son monde à lui, c'est Dostoïevski et Faulkner. Ça veut dire le lyrique, le baroque. Un peu comme si Bresson était séduit par Fellini, si vous voulez. Oui. Et tout est, il a la vocation des sommets, dit le personnage de La Chute, parce que La Chute, c'est un peu lui. Et il rêve d'une grande maison, on aurait pu mettre les femmes, les hommes, je me retourne vers Camille, vers Guillaume. Une grande maison, on aurait mis tous les amis, les femmes, les hommes, la famille, mais dans le sens de la romantique, vous voyez, tout le monde aurait été là. Et il avait le goût de la dialectique, il n'y a qu'à écouter Caligula, et par ailleurs, il avait celui des évidences sensibles, je sens, donc je suis, vous voyez. Mais l'histoire s'accélère. À partir de mai 1958, alors que l'Algérie est à feu et à sang, la guerre franchit la Méditerranée. Une vague d'attentats commises par le FLN touche la métropole. Alors, le temps n'est plus à la compassion ou à la réflexion, il faut désormais trancher. Dans ce contexte, la position de Camus dans une guerre aussi cruelle reste un entre-deux problématique. Jusqu'au bout pourtant, il rêvera d'une Algérie des fédérés qui accorderait la même place aux Arabes, aux Français, aux Kabyles, sans victimes, sans bourreaux. Le 4 janvier 1960, 3 ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature, Camus meurt brutalement dans un accident de voiture. Dans la Fazal Vega, fumante des Gallimards où gît le corps de Camus, se cache un manuscrit. Celui du premier homme, roman inachevé, publié à titre posthume en 1994. L'histoire d'un homme qui, à 40 ans, revient sur son passé pour comprendre d'où il vient et qui il est. Une ode à l'Algérie de son enfance, celle des humbles, des sans-grades, des muets. Habité par la présence lumineuse de sa mère, il lui dédie ses derniers mots « À toi, qui ne pourras jamais lire ce livre ». Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Albert Camus, notre invité, l'historien Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Professeur des universités, président du conseil d'orientation du musée de l'immigration. Bien, vous êtes spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain. En 2013, vous avez publié chez Stock, avec Jean-Baptiste Perrottier, un livre intitulé « Camus brûlant ». Alors, vous revenez longuement sur les malentendus autour du rapport de Camus à l'Algérie. Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel vous avez écrit ce livre? Parce que ça n'est pas anodin. Effectivement, c'était en 2013, et il y avait une exposition qui est sur Albert Camus, qui était prévue à Marseille, dans le cadre de l'année Marseille, capitale européenne de la culture, et le fait que d'avoir été choisi, disons, pour organiser, orchestrer, disons, cette exposition, a soulevé plusieurs colères, oppositions, en particulier de ceux qui se réclamaient d'une tradition ancienne qui était celle de l'Algérie française. Et qui ne voulaient pas que je puisse, disons, expliquer Camus, dans ses ambivalences, ambiguïtés, contradictions, complexités. Bref, le Camus que moi, personnellement, j'ai toujours aimé et apprécié, c'est-à-dire le Camus qui refuse la pensée binaire, ce Camus catégorique qu'on voudrait aujourd'hui voir. Donc je voulais restituer tout simplement Camus dans toute sa générosité, mais aussi dans son aspect... contradictoire, ça a été dit, je crois, par une des personnes qui est intervenue avant, dans les reportages. Et tout au long du récit, qui est tourné autour de ça, voilà, justement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire de l'homme qui, à la fois, est révolté, en même temps, est très méfiant à l'égard des révolutions. L'homme aussi qui est aux côtés des pauvres, mais qui se méfie aussi des idéologies qui visent à tout expliquer, à donner un sens global, total, à l'histoire. Donc il y a chez lui aussi cet entre-deux qui m'a toujours beaucoup intéressé, comme mon parcours d'ailleurs personnel est aussi un parcours de l'entre-deux, puisque comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé à la fois sur le nationalisme algérien, sur le sort, entre guillemets, des indigènes juifs d'Algérie devenus français, mais aussi sur la France, avec des portraits du général de Gaulle ou de François Mitterrand. Donc de travailler toujours dans cette sorte de mixité culturelle qui est un peu, peut-être, toujours un rêve, mais qui reste un espoir de toute façon. Bon, on va pas s'étendre non plus sur l'affaire de Marseille. Vous avez été remercié. Après, c'est Onfray qui a été, Michel Onfray, qui a été sollicité, puis finalement qui a fini par renoncer. Bon, on passe. Camus divise encore aujourd'hui, la preuve. Comment faire pour qu'à un moment donné, cette pensée de Camus, qui était faite justement pour ne pas diviser, d'après ce que j'ai compris, mais pour rassembler, faire en sorte qu'elle ne divise plus, ou alors faut-il qu'on laisse cette pensée divisée, parce qu'elle fait débat aussi, hein, ça fait partie de la vie intellectuelle française, après tout. Mais oui, c'est une pensée, je pense, qu'il faut laisser en l'état, parce que c'est ce qui fait aussi toute sa richesse. Le fait qu'elle soit pas réductible à un seul aspect, comme l'a été ce drame, cette tragédie, cette histoire coloniale, cette histoire française en Algérie. On ne peut pas donner une seule explication, une seule cause. Il y en a plusieurs, il y a une multiplicité de causes. Et peut-être Camus était une sorte de visionnaire par rapport au monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire ces guerres intérieures, ces guerres entre frères aussi, parce que la guerre d'Algérie aussi n'a pas été seulement qu'une guerre, pardon, une guerre anticoloniale, mais aussi une guerre des frères, une guerre entre frères, une guerre civile, et même une double guerre civile, y compris entre Algériens et entre Français. Et c'est toute cette entrelac de causes, dans le fond, que Camus voulait montrer et démontrer, que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans un certain nombre de conflits. Donc, oui, pourquoi vouloir essayer de tout réconcilier, de tout unifier, de tout homogénéiser à travers une seule pensée? Camus nous dit au contraire la complexité du monde, un monde difficile, et comme il le disait lui-même, un monde qu'il faut essayer et faire en sorte qu'il ne se défasse, plutôt que de donner un sens homogène, construit et définitif à l'histoire. Est-ce qu'il n'a pas tout de même sous-estimé la montée du nationalisme algérien? Ça lui a été reproché? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai tenté d'exprimer dans différents articles, parce que Camus, effectivement, est l'ennemi du nationalisme. Comme Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre, quelque part. Ça pourrait être ça. Je ne sais pas si Mitterrand a dit ça, j'ai oublié. Oui, il l'a dit. Peut-être. Bon. Mais en tout cas, Camus, se méfiait de tout ce que pouvait être le nationalisme, c'est-à-dire l'enfermement, le repli, et qui pouvait donner naissance à des haines identitaires. Et c'est cela dont il se méfiait le plus. Mais le problème, c'est que, dans le fond, cette position qui est la sienne, dans les années 30, puis ensuite dans les années 40, dans les années 50, le problème du nationalisme, c'est qu'il se décline aussi autrement. C'est-à-dire que c'est un nationalisme qui veut accéder à des formes de souveraineté politique, de reconquête, de repossession de soi, un nationalisme que certains qualifieront de libérateur et qui n'est pas forcément le nationalisme ancien, le nationalisme de la fermeture, le nationalisme de l'entre-soi. Et c'est ce nationalisme, dans le fond, qui va exister à partir des années 45, 50, 55, qu'on a appelé, disons, l'arrivée du tiers-monde, l'arrivée de nouvelles nations, que peut-être Camus a sous-estimé. Il était, j'allais presque dire, trop en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'il voulait une nation multiple, il voulait une nation multiculturelle, il voulait une sorte, et je reprends ces mots, de solidarité franco-arabe, il l'a dit, c'était dit auparavant, cette sorte de solution fédérale, donc contre toute tentative, disons, de centralité autoritaire de la nation et organisée par l'État. Il était pour la multiplicité, il était pour le multiple. En prenant bien en compte l'imbrication des deux populations, des deux populations, c'était important. Ce qui empêchait, comme il disait, un fédéralisme à la Suisse, c'était autre chose. C'était encore autre chose, il était très novateur. C'est le type de solution qu'on envisage dans toute une série de conflits aujourd'hui. Bon, il y a le conflit israélo-palestinien, bien sûr. On a vu aussi ce qui s'était passé dans les Balkans. Il y a ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec le délitement des frontières. Il y a toute une série, disons, de problématiques actuellement à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui que Camus, quelque part, comme un visionnaire, avait anticipé, avait compris à propos du drame algérien. C'était ne pas s'enfermer dans un seul discours, dans une seule histoire, ne pas rester prisonnier, parce que sinon, effectivement, vont ressurgir les haines, vont ressurgir, disons, les confrontations. Il faut essayer de trouver des voies, des passerelles, des passages. Hein, c'est au sens, disons, du mot passage que Camus m'intéresse le plus. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit de la voix de l'écrivain algérien Mouloud Feraoun, interviewé par la télé française en 1962, peu de temps avant d'être assassiné par l'OAS. Il exprime son amitié pour Camus au nom du peuple algérien. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien que, à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons ». Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. Alors, je ne sais pas si nous sommes avant avril 62 ou après, mais nous sommes en 62. Donc je sais pas Mouloud Feraoun a été assassiné en mars 1962. En mars 1962. Avec d'autres de ses compagnons, comme Max Marchand et Oulda Oudia. Est-ce qu'aujourd'hui, une position partagée, c'est une position celle-là, partagée par les Algériens, les intellectuels algériens, comment ils abordent le Camus? Bah, ils sont aussi divisés comme on l'est en France. Par rapport à Camus, il reste encore des traces des querelles anciennes où on préfère Sartre-Janson à Camus. Eh bien, c'est exactement la même chose en Algérie. Il y a toujours des gens qui vont glorifier Sartre aux dépens de Camus. C'est Camus considéré comme un étranger dans le sens où il n'a pas vu, il n'a pas entendu la souffrance des populations indigènes, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien rappelé dans ces reportages comme Misère de la Kabylie, etc. Mais là n'est pas la question. Dès 1932, dans les années 30, il dénonce ça. Bien sûr, absolument. Mais cette phrase extraordinaire de Camus, quand il, vous savez, cette sorte de polémique, d'affrontement avec ce jeune étudiant algérien, quand il revient dans sa chambre d'hôtel et qu'il dit qu'il ne comprend pas, qu'il est effondré quelque part par le visage de haine porté par celui qu'il considère comme son frère. Et oui, étudiant algérien. Et ça, dans le fond, ça reste encore très actuel. Ça reste encore très valable. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu 132 ans de présence française en Algérie. Beaucoup d'Algériens l'ont mal vécu. Et puis ensuite l'indépendance et beaucoup d'Européens d'Algérie qui ont quitté cette terre natale qui a été la leur l'ont mal vécu aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a par conséquent à la fois une sorte de ressentiment par rapport à cette histoire coloniale et aussi des blessures très profondes par rapport à l'abandon de la terre natale. De sorte que Camus reste plus que jamais actuel dans cette solitude partagée par les Algériens et les Européens, notamment dans les enjeux d'aujourd'hui, notamment en Algérie, que sont les enjeux démocratiques. Mais ce qui est remarquable, c'est l'intervention de Mouloud Feraoun, parce que Mouloud Feraoun, et je conseille d'ailleurs aux auditeurs de France Inter de lire le journal de Mouloud Feraoun, qui est un livre extraordinaire, décrivant au jour le jour ses espoirs, ses craintes et sa peur avant son assassinat, dans un style, dans une langue absolument admirable, qui est la langue française, le tribut de guerre, comme dirait Kateb Yassine. Eh bien, Mouloud Feraoun, quand même, avant d'être assassiné, reconnaît Camus comme un Algérien. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a voulu ouvrir une voie originale, une voie neuve, une voie nouvelle, mais qui n'était peut-être pas possible dans les temps qui étaient ceux des années 50-60, où dominaient des idéologies très puissantes, très fortes, très clivantes, le marxisme, le tiers-mondisme, la révolution, le socialisme. Et il fallait être pour ou contre, et on ne pouvait pas se déterminer uniquement en fonction d'objectifs démocratiques. Il a eu tort d'avoir raison trop tôt, en quelque sorte. Je pense, oui. Mais sa pensée, son action et cette histoire restent des leçons pour l'actualité d'aujourd'hui. Cela dit, Benjamin Stora, cette phrase « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère », donc avec des doubles sens, elle est passionnante, cette phrase, mais elle était risquée quand même. Elle est risquée, mais vous savez, c'est d'abord... Ce sont des phrases prononcées dans le feu de l'action, dans des interviews. Vous savez, il y a des choses encore récentes qu'on peut voir à travers des phrases prononcées uniquement dans des réponses, dans des interviews. On le sait, notamment encore en rapport avec l'Algérie, ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à la présidence de la République française, lorsqu'il était en Algérie, et qu'on lui a ensuite beaucoup reproché. Donc tout ça pour dire que l'Algérie reste un objet brûlant, passionnant, passionné. Et il a réagi à la fois... comme un Méditerranéen qui préfère sa mère à la justice, mais il a réagi aussi comme quelqu'un qui n'avait pas mesuré l'importance de la question coloniale. Donc il y a ces deux aspects qui cohabitent, c'est-à-dire celui qui veut se protéger les siens, protéger ceux, dans le fond, qui sont un prolongement de lui-même, dont il va admirablement parler dans son livre « Le premier homme », qui est le plus beau livre d'Albert Camus, selon moi, mais en même temps, il n'a pas voulu ou pas pu dans son époque, comprendre la gravité, la cruauté de la question coloniale et le fait que des populations entières subissaient cette cruauté depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Et donc, dans cette intersection, dans cet entre-deux-là, eh bien, à l'époque où les clivages étaient très puissants, très forts, on ne lui a pas pardonné. Comme d'ailleurs, on ne lui pardonnait pas grand-chose quand même. Hein. Et il le dit lui-même, dans le fond, dans ce monde littéraire parisien dans lequel je suis entré par effraction, on ne me pardonnait pas grand-chose quand même. Hein. Et on lui pardonnait rien. Et peut-être parce qu'il avait, par son comportement, issu lui-même d'une classe sociale très pauvre, eh bien, par son ascension culturelle et sociale, quelque part, il gênait aussi des intellectuels parisiens qui étaient issus, eux, de classe sociale favorisée, et Camus, à leur endroit, disait, dans le fond, leur engagement politique radical contre moi, c'est quelque part le fait d'expier leurs origines. Est-ce que Camus a soutenu d'autres grandes causes politiques ? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le discours que vous avez mentionné de Camus, où il dit, plus tard, un jour, ceux qui m'attaquent aussi férocement sauront ce que j'ai fait silencieusement. Et moi, je l'ai vu, ça, dans les archives. Et en particulier, Camus a, par son combat contre la peine de mort, réclamé et obtenu le fait que certains condamnés à mort algériens ne soient pas exécutés. Et ça, c'était l'intervention de Camus. Et il n'en a pas fait état publiquement. Et il l'a fait silencieusement, par des interventions qu'il a faites auprès du garde des Sceaux de l'époque, François Mitterrand. Il l'a fait aussi auprès du président de la République par un certain nombre de lettres. On le sait notamment, et moi je l'avais su déjà par l'intermédiaire de son ami avocat Yves de Chézel, qui était proche des militants trotskistes de l'époque. Et Camus, agissait en conformité avec ses principes moraux et éthiques, notamment contre la peine de mort. Et sur la question de la peine de mort et de la guillotine, Camus a été exemplaire. Qu'est-ce qui a fait ce clivage entre Sartre et Camus? On disait à Camus, il faut choisir entre l'Algérie française ou algérienne. Il n'est pas choisi, on a bien compris. On a dit souvent aussi à tous les Français, aux intellectuels, mais choisissez entre Sartre et Camus. Bon, on n'est pas obligé de choisir non plus. Hein. Évidemment qu'on n'est pas obligé de choisir. C'était quoi le clivage entre les deux? Est-ce qu'il était que littéraire ou est-ce qu'il était personnel aussi? Ah, je pense qu'il y avait des jalousies personnelles. Camus était un homme à femme, c'est pas un secret de le dire. On le sait aujourd'hui, notamment par la publication d'une série d'ouvrages et de correspondances, bien sûr, avec Cazares. Bon, il y avait cette jalousie-là, il y avait la jalousie littéraire. Quoique Sartre est un très grand écrivain, il faut quand même le dire et le redire. Et il y avait aussi, disons, cette jalousie sociale qui existait, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, qui est très importante, bien sûr. Hein. Et puis, il y avait cette question politique dans le rapport au communisme, Camus, ne l'oublions pas, était foncièrement opposé au stalinisme, qu'il était proche du monde anarchiste de l'époque, en référence avec la guerre d'Espagne, il ne pardonnait pas aux staliniens les assassinats de tous ses militants. bien sûr, il faut lire, si on veut aller plus loin sur cette question, en tout cas, Sartre a vu lire les lettres, hein, la correspondance qu'il s'envoyait, qui est vraiment saisissante. Merci infiniment, Benjamin Stora. Au revoir. Merci, Benjamin Stora. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Albert Camus, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard, Gabriel Debray, Jean Bulot et Margot Pinel. Attachée de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Laigle. À la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau.